Bonsoir, vous écoutez La Face Cachée du Folk, l'émission qui démystifie les musiques traditionnelles tous les lundis soirs à 21h. Issue de la rencontre des courants folkloristes et du revivalisme folk, les musiques traditionnelles d'aujourd'hui proposent une palette sonore très large, difficile à classer. Loin de l'image vieillotte que le bal folk véhicule parfois, la professionnalisation de nombreux musiciens et l'évolution des danseurs ont fait entrer cet univers sur la scène des musiques dites actuelles. La Face Cachée du Folk a pour ambition de vous faire découvrir et apprécier cette palette sous toutes ses couleurs au travers d'interviews et d'extraits musicaux. Avec l'arrivée du printemps, on attend avec impatience en fait un des bals folk réputés de la région Lorraine, c'est le Folksibal qui a lieu à Malcéville et chaque année entre mars et mai on va dire, et qui est organisé par le groupe Folksigène. Et aujourd'hui, c'est donc avec Thibaut Arcier, le leader de ce groupe, et puis que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises dans cette émission, qu'on va évoquer ce bal, le groupe invité, et puis les stages qui s'y rattachent. Bonjour Thibaut. Bonjour Sophie. Alors, on a l'habitude de t'entendre avec tes acolytes, Morgane et Étienne, mais bon, cette fois, ils t'ont laissé la main libre ou la voix libre pour évoquer ce bal. Alors, avant de parler du groupe invité, qui est toujours une belle affiche, on va quand même parler de Folksigène, parce que c'est grâce donc à tous les bals que Folksigène joue finalement et réalise que, une fois dans l'année, on peut se permettre d'inviter un groupe extérieur. Bon, alors, Folksigène, c'est qui ? Et ça joue quoi ? Alors déjà, moi, je voulais te remercier, Sophie, pour de nouveau faire la promotion de notre groupe et de notre événement du printemps. C'est toujours un vrai plaisir. Alors, Folksigène, qu'est-ce que c'est ? Alors, Folksigène, c'est un groupe de musique qui existe depuis 12 ans, mais 10 ans sous un statut associatif. C'est un groupe de musiciens, jeunes au départ, très jeunes même. Et comme ça fait 10 ans qu'on joue de la musique, forcément, on a aussi pris 10 ans dans nos âges. Donc, c'est un groupe qui réunit des musiciens de 25 à 35 ans à peu près. Ouais, mais vous avez pris 10 ans d'expérience musicale aussi, vous avez bien évolué. C'est vrai. On a pris un petit peu plus de maturité. Et surtout, on a une sono qui nous permet d'organiser pas mal d'événements. Donc Folksibal fait partie, puis d'autres également pendant l'année. Donc groupe de musique folk, polyvalente, c'est-à-dire qu'on organise et on anime des bals folk avec des danses de toutes les régions de France et également de l'étranger. On essaye de les rendre les plus accessibles possible pour que ça convienne au plus grand nombre. Ça, c'est une partie de notre activité, l'animation de bals. Et puis, on organise également des bals folk avec, dans l'idée, toujours la même chose, c'est-à-dire de proposer un bal folk accessible, donc avec au moins une partie du bal qui est un bal polyvalent, avec un répertoire de danse très divers, et puis une partie du bal avec un répertoire qui peut être soit polyvalent, soit un peu plus spécialisé, et c'est ce qu'on s'autorise à faire au moins une fois par an, en organisant un bal avec un groupe qui partage la soirée avec nous, et qui est sur un répertoire un petit peu plus spécialisé. Voilà. Alors, effectivement, vous êtes 6 sur scène, hein, c'est ça que tu disais ? Il y a quoi comme instrument ? Alors, on n'est même plus de 6. On a commencé à 5. Quelques années après, Choco est arrivé, donc on était 6. Et du coup, quelques années après, Charlie. Donc du coup, maintenant, on est 7 sur scène avec une parité, puisqu'il y a 50% de garçons et 50% de filles dans l'association. À 7 ? Oui, parce qu'on a un sonorisateur aussi. Étienne redresse un petit peu la barre de ce côté-là. Donc, on a comme instrument de musique sur notre formation, donc des percussions. Ça, c'est Choco, qui est un petit peu notre homme orchestre, hein, qui fait des percussions, donc avec Morgane. Et on a des instruments à cordes, donc bouzouki, mandole, mandoline, cigar box, ça c'est la dernière trouvaille de Choco. Et puis guitare, on a une contrebasse, un violon, un alto, une flûte traversière, une bombarde et 4 chanteurs, qui chantent évidemment pas 4 sur tous les morceaux, mais 4 personnes qui donnent de leur voix pour la musique. Oh bah ça fait beaucoup de monde sur scène, ça fait une bonne ambiance aussi. Vous faites combien de balles par an environ ? Alors nous, on essaye de se fixer une limite pour équilibrer à la fois le travail musical, pour étoffer notre répertoire, et puis du coup l'animation de balles pour que le travail qu'on fait en répétition ait quand même du sens, c'est-à-dire que ce soit proposé pour des danseurs, et aussi pour des oreilles attentives, simplement des gens qui aiment bien écouter de la musique traditionnelle, de la musique folk. Donc, nous, on fait entre 5 et 6 dates par an. Sur cette saison, on aura fait 5 dates donc de bals animés. Et un bal qu'on n'a pas du tout animé, qu'on a organisé. On a fait venir Ormuz au mois d'octobre, qu'on a fait jouer avec Petricor, donc un autre groupe qu'on aime beaucoup. Et là, c'était un bal entièrement organisé par Folksygène, en partenariat avec Néofolk, mais dans lequel nous ne jouions pas. Donc, du coup, ça fait 6 manifestations par an. Alors, on va maintenant parler du Folksybal. Mais avant, on va écouter un morceau du groupe invité, puis comme ça, peut-être que vous le reconnaîtrez. Mon père avait bâtir maison, et tout le long de la boutique à Jean. Mon père avait bâtir maison, tout le long de la boutique à Jean. L'avait bâtir à trois pignons, tout le long de la boutique, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. La fait bâtir à trois pignons, et tout le long de la boutique à Jean. La fait bâtir à trois pignons, tout le long de la boutique à Jean. Par 80 jolis maçons, tout le long de la boutique, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Par 80 jolis maçons, et tout le long de la boutique à Jean. Par 80 jolis maçons, tout le long de la boutique à Jean. Et le plus jeune est mon mignon, tout le long de la boutique, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Et le plus jeune est mon mignon, et tout le long de la boutique à Jean. Et le plus jeune est mon mignon, tout le long de la boutique à Jean. Et il m'a demandé mon nom, tout le long de la boutique, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Et il m'a demandé mon nom, et tout le long de la boutique à Jean. Et il m'a demandé mon nom, tout le long de la boutique à Jean. Et l'on m'appelle Jeanneton, tout le long de la boutique, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Et l'on m'appelle Jeanneton, et tout le long de la boutique à Jean. Et l'on m'appelle Jeanneton, tout le long de la boutique à Jean. Et Jeanneton, c'est un beau nom, la boutique, tic, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Et Jeanneton, c'est un beau nom, et tout le long de la boutique à Jean. Et Jeanneton, c'est un beau nom, tout le long de la boutique à Jean. Et Cathy l'attend ton giron, tout le long de la boutique, tic, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Et Cathy l'attend ton giron, et tout le long de la boutique à Jean. Et Cathy l'attend ton giron, tout le long de la boutique à Jean. C'est un pâté de trois pigeons, tout le long de la boutique, tic, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. C'est un pâté de trois pigeons, et tout le long de la boutique à Jean. C'est un pâté de trois pigeons, tout le long de la boutique à Jean. Ah, c'est toi là et le mangeons, tout le long de la boutique, tic, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Ah, c'est toi là et le mangeons, et tout le long de la boutique à Jean. Ah, c'est toi là et le mangeons, tout le long de la boutique à Jean. Elle s'est assise dans si gros son, tout le long de la boutique, tic, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Mon père avait bâti maison, et tout le long de la boutique à Jean. Mon père avait bâti maison, tout le long de la boutique à Jean. Par 80 jolis maçons, tout le long de la boutique, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Tout le long de la boutique, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Tout le long de la boutique, tic, tic, tout le long de la boutique à Jean. Alors, vous aurez peut-être reconnu un groupe qui est déjà venu en Lorraine, hein, au moins une fois, à Saucourt, aux rencontres de Saucourt, alors 2017. Et donc, il s'agit de Arba des Tornes, qui est un groupe de Vendée. Vous écoutez la Face Cachée du Folk, votre émission folk du lundi soir à 21h sur Radio Fadjet, 94.2 à Nancy. Et donc, aujourd'hui, on accueille Thibaut du groupe Folksygène, qui invite Arba des Tornes pour le Folksybal 2019 au mois de mars prochain. Et donc, le morceau que vous avez entendu est un traditionnel vendéen. Mais je vais te laisser, Thibaut, plus présenter le répertoire du groupe. Alors, Arba des Turnes, c'est un groupe qui vient vraiment de Vendée et qui construit son répertoire de danse et de musique sur vraiment son répertoire régional. Donc la Vendée, c'est vraiment du 100% Vendée, presque du 100% Vendée, parce qu'il y a quelques danses évidemment qui sont un petit peu plus généralistes, mais vraiment la 95% de leur répertoire est vendéen. C'est un groupe qui existe depuis assez longtemps, qui existe depuis 1999. Il s'est créé il y a bientôt 20 ans. Et on a entendu parler d'Arba des Turnes, notamment dans le cadre de ses prestations remarquées au Puy du Fou. Hein, puisque pendant plusieurs années, Arba des Turnes faisait des passages très réguliers au Puy du Fou. Donc ça, c'est le groupe 95% vendéen. En termes de danse, en fait. Ouais, en termes de danse. Et puis en termes de là d'où ils viennent. Ouais, c'est ça, en fait. Bah, là, du coup, pour le coup, là d'où ils viennent, c'est 100% Vendée. Voilà, donc c'est trois musiciens. Hein, donc Michael Auger à l'accordéon diatonique, Maxime Chevrier au violon et Jeff Rambeau qui est à la guitare. Et les trois donc chantent également. Donc voilà, donc trois musiciens, 100% Vendée. Donc un groupe qui a 20 ans d'expérience, donc encore un petit peu plus que vous, et qui a évolué également au fil du temps. L'extrait qu'on vient d'entendre était... sorti de leur album Garoche. Et donc voilà, leur répertoire, elle est inspirée donc de morceaux traditionnels. Je ne sais pas s'il y a des compositions un petit peu aussi dans leur répertoire. De toute façon, les arrangements de tous les morceaux de cet album et de tous les morceaux qui sont interprétés de manière générale par Arba des Turnes sont des arrangements de Arba des Turnes, ça c'est clair. Après, dans l'album Garoche, l'ensemble du répertoire est traditionnel de Vendée. Il y a dans aussi Arba des Turnes notamment quelqu'un qu'on connaît beaucoup pour l'animation de ses stages de danse, aussi pour son activité de musicien dans Arba des Turnes évidemment, c'est Maxime Chevrier. Maxime Chevrier, c'est quelqu'un qui fait depuis 25 ans du collectage de musique de danse en Vendée. Donc c'est vrai, et ça c'est ce qu'il me disait au moment où on a évoqué avec eux l'idée de les faire venir à Malzéville. Il me disait, on a de la chance en Vendée, on a un répertoire énorme, et avec beaucoup de diversité de danse, de diversité de musique, et ça plaît beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a énormément de chance, et c'est vrai, ils peuvent se permettre dans leur répertoire, grâce à ça, de faire presque bah, du coup 100% de leur répertoire traditionnel vendéen. Alors on va écouter un deuxième morceau justement, deuxième exemple de ce répertoire, avec peut-être un branle de l'épine, les gens qui sont riches. Les gens qui sont riches sont-ils mieux que moi qui n'ai rien? Les gens qui sont riches sont-ils mieux que moi qui n'ai rien? Je tourne, je vis, je vais, je viens. Je n'ai pas peur de perdre mes rangs. Je tourne, je vis, je vais, je viens. Je n'ai pas peur de perdre mon bien. Les gens qui sont riches sont-ils mieux que moi qui n'ai rien? Les gens qui sont riches sont-ils mieux que moi qui n'ai rien? Je tourne, je vis, je vais, je viens. Je n'ai pas peur de perdre mes rangs. Je tourne, je vis, je vais, je viens. Je n'ai pas peur de perdre mon bien. La caille parmi la paille, j'ai vu la caille dans les blés. J'ai vu la caille parmi la paille, j'ai vu la caille dans les blés. Et le rossignol est chanté, j'ai vu la caille parmi la paille. Et le rossignol est chanté, vu la caille dans les blés. Mes amours sont passés, encore 10 ans à peine, mes amours sont passés. Reste le souvenir de mes jeunes années, le temps de ma jeunesse et de mes amitiés. Encore 9 ans à peine, mes amours sont passés. Encore 9 ans à peine, mes amours sont passés. Reste le souvenir de mes jeunes années, le temps de ma jeunesse et de mes amitiés. Encore 8 ans à peine, mes amours sont passés. Encore 8 ans à peine, mes amours sont passés. Reste le souvenir de mes jeunes années, le temps de ma jeunesse et de mes amitiés. Encore 7 ans à peine, mes amours sont passés. Reste le souvenir de mes jeunes années, le temps de ma jeunesse et de mes amitiés. Encore 6 ans à peine, mes amours sont passés. Encore 6 ans à peine, mes amours sont passés. Reste le souvenir de mes jeunes années, le temps de ma jeunesse et de mes amitiés. Alors vous venez d'entendre Branle de l'épine, interprété par Arpa des Tornes, qui vous fera danser le 9 mars prochain à Malzéville. Et donc c'est une danse en fait de Vendée, puisque c'est le répertoire et la provenance de ce groupe Arpa des Tornes, et que vous pourrez peut-être apprendre lors du stage, puisque bon, il y a un certain nombre de stages qui sont organisés à l'occasion de la venue de ce groupe, dont un stage de danse. Alors est-ce que c'est encore possible de s'inscrire, Thibaut ? Alors, le stage de danse, c'est un stage qui fonctionne très bien. Là, aujourd'hui, on arrive à une 40aine de stagiaires, donc ce qui est déjà beaucoup par rapport à la période. Nous, on a fixé un maximum à 52 stagiaires, donc on vous invite, si vous êtes intéressé par ce stage, à nous contacter assez rapidement pour réserver au moins votre place, même si, du coup, le règlement vient quelques jours après, car il sera rapidement plein. Ok, on abordera quoi alors ? Alors, dans ce stage de danse, donc ça c'est donc Maxime Chevrier qui a carte blanche sur ce stage-là. On lui a demandé de faire un stage qui n'est pas un stage de débutant en Vendéen, ça sera un stage plutôt de confirmé, avec des danses de différentes régions de la Vendée. Voilà, donc Maxime Chevrier a le secret. Oui, on est plusieurs dans le groupe à avoir fait des stages de danse avec lui. C'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance très très fine de la danse et du style de la danse aussi, qui a évolué au fur et à mesure des décennies. Et c'est vrai que lui s'appuie sur des collectages vidéo qu'il a pu visualiser, et il n'hésite pas pendant son stage à montrer, même si des fois certaines choses ne sont pas transmissibles directement en stage à des stagiaires, mais il n'hésite pas à évoquer et à présenter, à faire la démonstration de la façon dont les anciens dansaient il y a 40, 50, 60 ans sur des films qu'il a récupérés. Donc ça, c'est vraiment un stage très très riche. Donc lui, il a carte blanche, et voilà, donc ce sera du Vendéen, donc pas débutant, du confirmé. Vous avez déjà 40 danseurs confirmés intéressés. C'est le niveau des danseurs lorrains, il n'y a pas de... Donc ça, c'est un stage de danse, mais il y a également des stages d'instruments. Donc ça se déroule le samedi, j'imagine, tout ça ? Oui, les années précédentes, on proposait 2 stages de musique. Voilà, alors sauf une année, on a eu la chance de pouvoir proposer 3 stages de musique, mais c'était bon, un peu plus exceptionnel. Cette année, on a décidé vraiment d'en faire un choix au niveau de l'association. On a voulu proposer 3 stages pour essayer de diversifier les propositions. Donc Maxime Chevrier a différentes casquettes. Il est danseur, hein, bien sûr, donc il animera un stage de danse le samedi après-midi. Par contre, le samedi matin, il animera donc un stage de violon. Donc ça, c'est un premier stage qui sera proposé. Donc là, l'objectif, c'est pas d'apprendre le violon, bien sûr, hein. C'est surtout de faire le lien entre le style de la danse et ce qu'on va pouvoir proposer en termes de rythmique, en termes d'accompagnement au niveau du violon pour soutenir cette danse-là. Donc c'est vraiment un stage à la fois de répertoire et puis un stage d'interprétation de la musique pour la danse. Donc ça, c'est un premier stage qui se déroulera le samedi matin de 10h à 12h. Et après, donc on a deux autres stages de musique qui seront proposés, cette fois-ci sur la journée complète, de 10h jusqu'à 17h30. Donc c'est 6h30 de stage. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport aux années précédentes, puisqu'on était sur des stages un petit peu plus restreints en termes de temps, de durée. Donc là, c'est vrai qu'Herba Détente nous fait un gros cadeau en ayant accepté de faire des stages un peu plus longs. Et donc un stage de chant avec Gaëlle Druard, qui est quelqu'un qui a travaillé à la fois le chant, mais également la musique, puisqu'elle est violoniste et elle a travaillé son style, que ce soit en termes de le style vendéen, auprès de personnes assez reconnues en Vendée, dont Maxime Chevrier. Donc c'est pour dire qu'effectivement on a un personnage qui vient au Folksebal et on s'en réjouit d'avance. Et actuellement, donc Gaëlle Druard est formatrice en collège, elle enseigne le chant en collège, le chant traditionnel, et également à la Fédération des écoles de musique traditionnelle de Vendée. Voilà, donc ça c'est sa deuxième activité. Ça, c'est pour le stage de chant, donc vraiment un stage de répertoire et puis de chant de Vendéen. Et enfin, le stage d'accordéon qui durera également 6h30, 10h à 17h30 et qui est animé donc par Michael Auger, qui est quelqu'un qui est le petit dernier en fait, du groupe Herba Détente. Et donc qui, lui, va proposer un stage qui fait le lien entre la séquence rythmique qu'on va pouvoir proposer à l'accordéon et la danse. Donc les stagiaires vont à la fois travailler avec lui, évidemment la main droite, mais également surtout la main gauche, puisque c'est elle qui offre la rythmique. Alors pour illustrer peut-être ce qui pourra être fait lors de ce stage d'accordéon, on écoute une valse. Ouais, alors moi j'aime beaucoup cette valse, donc c'est la valse L'empêchement au banc. Je vous invite à être attentif en particulier sur le jeu de l'accordéon qui met énormément de nuances et énormément de relief à ce morceau. Jour étant à mon chantier, ma mère vint m'y dire. L'autre jour étant à mon chantier, ma mère vint m'y dire. Elle vint m'y dire, m'y annoncer que ma maîtresse était fiancée. Elle vint m'y dire, m'y annoncer que ma maîtresse était fiancée. Faites-y sceller mon cheval, mettez-y donc la selle. Faites-y sceller mon cheval, mettez-y donc la selle. Faites-le brider, bien équipé, que j'aille voir la fiancée. Faites-le sceller, bien équipé, que j'aille voir la fiancée. Oh, d'un bonjour, ma bien-aimée, ma charmante maîtresse. Oh, d'un bonjour, ma bien-aimée, ma charmante maîtresse. Oh, d'un bonjour, ma bien-aimée, on dit que vous êtes la fiancée. Oh, d'un bonjour, ma bien-aimée, on dit que vous êtes la fiancée. La fiancée, oui, je le suis, et j'en maudis la journée. La fiancée, oui, je le suis, j'en maudis la journée. Demain seront les premiers bancs, galant-mais-y empêchement. Demain seront les premiers bancs, galant-mais-y empêchement. Si c'est rendu à ce point-là, ma charmante maîtresse. Si c'est rendu à ce point-là, ma charmante maîtresse. Si c'est rendu à ce point-là, tous ses parents et à parler de la sorte. Mais qui sont-ils tous ses parents à parler de la sorte? Je ne suis point un de ses parents, je suis son plus fidèle amant. Je ne suis point de ses parents, je suis son plus Vous avez été attentif à l'accordéon? Alors maintenant, inscrivez-vous au stage proposé par Volksygène avec donc un musicien de Arba des Tornes le 9 mars prochain. S'il y a encore de la place justement, parce que si on fait la promo... Alors pour les stages de danse, donc là il y a presque plus de place, donc n'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement. Par contre pour les stages de musique, donc que ce soit le stage de violon, d'accordéon ou de chant, il reste de la place, donc n'hésitez pas également à vous inscrire dans ce dernier mois. Bah du coup, peut-être tu pourrais nous dire, Thibaut, les conditions pratiques, c'est-à-dire, bon, on a eu les horaires, mais peut-être dire le lieu et puis le coût. Alors, donc les stages de danse et de musique se font sur des lieux séparés. Donc le stage de danse se fait à la salle des fêtes de Malzéville, donc qui est juste à côté de Nancy. Et les stages de musique se font dans un espace qu'on a investi depuis l'année dernière. On a beaucoup de chance puisque la municipalité de Saint-Max et de Malzéville nous soutiennent par rapport à ça. C'est à l'espace Champlain, c'est un centre social où on a donc possibilité de passer, de faire les stages de musique et également manger sur place. Donc ça, ce sera pour la journée du samedi. Au niveau des tarifs, alors puisque c'était ta question, donc le stage de danse est à 12 €, le stage de violon est à 10 €. Tu m'étonnes que le stage de danse il soit plein en fait. Ouais, effectivement, donc c'est 4 heures de stage de danse pour 12 €. On a le stage de violon, donc lui dure 2 heures, de 10 heures à 12 heures, donc le samedi matin, donc lui est à 10 €. Et les stages de chant et d'accordéon diatonique qui durent, qui sont les stages les plus longs, donc qui durent 6 h 30, là sont à 24 €, donc ils commencent à 10 heures le matin et finissent à 17 h 30 le soir. Les réservations sont obligatoires pour les stages de musique et les stages de danse, donc on vous invite à nous envoyer votre bulletin d'inscription au plus tard pour le 28 février. Voilà, par contre, le reste du Volksybal, enfin le reste des propositions, à savoir le bal folk, qui est quand même pas rien. Donc lui, c'est un bal donc, qui est à 9 € l'entrée. Et là, donc, les réservations, bien entendu, ne sont pas obligatoires. Elles sont possibles, mais elles ne sont pas obligatoires. Ce qu'on propose cette année, au niveau des dispositions pratiques, pour ceux qui viennent de loin, qui viennent de Strasbourg, de Mulhouse, ou bien de Troyes, de Dijon, on en a quelques-uns chaque année qui font vraiment beaucoup de kilomètres pour venir rencontrer ces groupes qu'on fait venir. Nous proposons depuis l'année dernière une formule d'hébergement collaboratif, donc n'hésitez pas à remplir sur le bulletin d'inscription si vous souhaitez profiter d'un covoiturage ou d'un hébergement entre guillemets collaboratif. Tiffaine reprendra contact avec vous pour satisfaire au maximum votre demande, pour que vous soyez autrement dit hébergé chez un stagiaire qui viendra donc sur le Volksybal. Oui, parce que le mois de mars en Lorraine, ben, c'est pas facile de loger sous la tente, en fait. Je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est de votre événement du 9 mars prochain. Alors simplement, on peut rajouter que donc à partir de 21h le soir, on propose une grande fête, ça va être vraiment la grande fiesta. Chaque année, c'est la même chose. Donc c'est un grand bal folk avec Folksygène. Et donc on partage la scène avec donc, le groupe invité, donc là avec Arba des Tornes. Donc nous, on ouvrira la soirée donc de 21h15 jusqu'à 22h30. Et puis ensuite, donc Arba des Tornes poursuivra la soirée jusqu'à 1h du matin. C'est toujours aussi tard. Ouais, c'est ça, c'est toujours aussi tard. Bon, on a quand même avancé par rapport aux années précédentes. Hein, c'est Et oui, mais bon, on est un peu contraint également par l'idée de pouvoir valoriser ce que font chaque stage de musique dans la journée. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel on tient. On tient à ce que les stagiaires de musique puissent présenter leur travail pendant une demi-heure, donc il leur est consacré au début du bal de 20h45 jusqu'à 21h15. Voilà, donc il y aura une restitution des stages de violon, d'accordéon diatonique et de chant. On va clore cette partie avec encore un petit morceau de Arba des Tornes. Cette fois, ce sera Château Youze. Déchez-moi un petit bois, déchez-moi un petit bois. Derrière chez moi un petit bois, derrière chez moi un petit bois. Où tous les ans on cueille des noix, la goule pleine de vin rouge. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Où tous les ans on cueille des noix, et où tous les ans on cueille des noix. Où tous les ans on cueille des noix. On cueille des noix. J'en cueille deux, j'en mange trois. La goule pleine de vin rouge. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. J'en cueille deux, j'en mange trois. J'en cueille deux, j'en mange trois. J'en cueille deux, j'en mange trois. J'en cueille deux, j'en mange trois. J'en suis malade au lit trois mois. La goule pleine de vin rouge. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. J'en suis malade au lit trois mois. J'en suis malade au lit trois mois. J'en suis malade au lit trois mois. J'en suis malade au lit trois mois. Le médecin venant m'y voir, la goule pleine de vin rouge. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là. Le médecin venant m'y voir, le médecin venant m'y voir. Le médecin venant m'y voir, le médecin venant m'y voir. Me mit la main sur l'estomac, la goule pleine de vin rouge. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là. La main sur l'estomac, me mis la main sur l'estomac, me mis la main sur l'estomac, me mis la main sur l'estomac. Mettez-la donc un peu plus bas, la goule pleine de vin rouge. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là. Mettez-la donc un peu plus bas, vous trouverez Père Nicolas, la goule pleine de vin rouge. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Ah, ne mets donc pas ta main là, car il c'est chatouilleuse. Vous trouverez Père Nicolas, vous trouverez Père Nicolas. Vous trouverez Père Nicolas, vous trouverez Père Nicolas. Il ouvre la goule, mais il mord pas, la goule pleine de vin rouge. Il est poilu comme un vieux chat. Il est poilu comme un vieux chat. Il est poilu comme un vieux chat. chat, il est pendu comme un vieux chat. De la banquette, il n'en veut pas, la bouche plein de vin rouge. Oh, ah, ne me donnant pas ta main là, car il s'est chatouilleuse. Ah, ne me donnant pas ta main là, car il s'est chatouilleuse. Ah, ne me donnant pas ta main là, car il s'est chatouilleuse. Cette fois, c'était un rond de Lille-Dieu, encore interprété par Arba des Tornes. Vous écoutez la face cachée du folk sur Fadjet 94.2 à Nancy. Et donc, on termine cette émission avec Thibaut Arcier du groupe Folksygène. Simplement pour évoquer un peu l'historique du Folksybal, enfin de tous ces grands événements qu'ils nous proposent chaque année. Alors, donc cette année, c'est Arba des Tornes et les années précédentes. Alors, les années précédentes, donc en 2016, donc c'est la première année où on a proposé donc, une formule. Déjà, on revenait à Malzéville après plusieurs années d'expatriation, entre guillemets, à Bouxières-aux-Dames, puisque la salle des fêtes de Malzéville était en réfection. Donc, en 2016, pour notre retour à Malzéville, on a proposé donc, cette nouvelle formule du Folksybal avec un groupe extérieur à la Lorraine. Et donc ça, ce premier groupe qui a inauguré ce nouveau format, donc, c'est Yao, un groupe breton qui est assez connu, qui est constitué donc, de Franck Fagon, Philippe Turpin et Yann Garrec-Lebars. Donc ça, c'était en 2016. L'année suivante, on s'est dit, est-ce qu'on repropose du répertoire breton ou est-ce qu'on repart sur un autre répertoire? Et là, on s'est dit, bah, tiens, ça serait peut-être bien finalement que chaque année, on propose un répertoire différent. Donc on s'est concentré sur d'autres régions et là, on s'est dit, le répertoire Berry, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, nous déjà, et puis aussi auquel les danseurs et les musiciens de Lorraine adhèrent. Donc on a proposé en 2017 Décibal. On a fait venir Décibal, donc un groupe de 4 musiciens, et qui nous ont proposé également des stages de musique sur toute la journée du samedi. Et enfin, en 2018, on a gardé le même format, mais on l'a étoffé encore un petit peu plus, puisqu'on a proposé un stage de danse. À l'époque, il n'y avait que des stages de musique. Hein. Donc là, en 2018, stage de danse. Et on s'est dit, bah tiens, répertoire Bérénichon, Breton, on a déjà fait, etc. Donc on a visé d'autres répertoires, et on a choisi le répertoire québécois. Et on a fait venir pour l'occasion Ormuz, qui est un groupe qui est aussi reconnu dans ce répertoire-là, en plus de son interprétation du répertoire breton. Et donc, ils sont venus pour animer des stages de musique et on a la chance dans Folksygène, mais surtout en Lorraine en fait, hein, d'avoir deux danseurs qui ont investi ce répertoire-là et qui sont Morgane Colas et Étienne Jorquera, donc qui ont animé un stage de danse sur le samedi après-midi en plus des stages de musique d'Ormuz. Voilà, donc c'est finalement maintenant la quatrième année en 2019. On fait donc là venir un groupe extérieur à la Lorraine pour nous faire découvrir sa musique et sa danse. Et donc, répertoire vendéen. Merci beaucoup Thibaut. Et merci à Folksygène de nous proposer ces Folksybals, une petite découverte hein, chaque année d'un répertoire, c'est quand même fort sympathique. Donc je vous souhaite un plein succès pour cette édition, mais j'en doute pas, c'est bien parti. Et puis bah, peut-être à l'année prochaine alors. Bah, avec joie. Merci beaucoup Sophie. La face cachée du folk, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, pour écouter ce programme et les précédents, rendez-vous sur www.fadjet.net/lafacecachedufolk, mais aussi sur Mixcloud. Pour être au courant des prochaines interviews, abonnez-vous à la page Facebook. Et n'hésitez pas à me contacter via Fadjet. À la semaine prochaine! Merci.